spécial pour 95. Si, si. Ouais. Recess. Wesh, recess. C'est ma, si. Miniature vocale, le service du mal, je décris. Pour tous les mecs de Tessie. À la recherche du paradis. C'est ça. La merde a fait que peu chez nous sont devenus cadres. La galère a fait de nous des guerriers son genre de badre. Et chaque année, on supplie que Dieu nous garde. Et le démon vient ricaner nos merdes semées pour là, il a tout le cadre. Jante. Voici le son que personne n'enchante. Celui qui supplie la salade pendant que tu penses prendre la tangente. Celui qui te botte comme la savate et pourtant veut que l'on marche ensemble. Celui d'un noir El Sadat qu'on bute ressuscite un mois de septembre. Crève par la passion du crime. Rêve de la passion du cri. Cri, cri, Chris vit la passion d'un film. La réalité bute donc paix aux victimes de pauvres cons qui par leur tarpé shoot suppriment la familiale team Nero. Un Lego bien trop scié, mourir ici, rien à chier. La vie c'est juste un Lego qu'il faut construire des années. Puis finir buté comme Swalihi ou Ibrahim Ali. D'une balle dans le dos de facho. Nos vies trop falches, on préfère vivre de nos passions. Puis on pleure de nos leurs et nos damnations. Le soir venu, seul sous la terreur de nos actions. Implore le pardon d'un seigneur abstraint de satisfaction. Donc on meurt, affronte l'ange de la muerto. Nadir et Munkir, puis on se rappelle, je prierai bientôt. Je prierai bientôt, mais bien avant je crève. Et rôtissoir sont les barres au col, très haut t'achève. Y'a aucune mouille pour éteindre la flamme. Adam tu rêves, tu veux Eve. Une bite entre les dents, la crasse sur les lèvres. La plupart des enfants de Satan suivront comme des chefs. Judas crève ou crée des enfants de t'aspect. Ouais, les petites peintes devant les potes. La pète mange de grosses bites pompées devant cette grosse pute de juge plainte. Feinte autant que tu peux, fou l'autre au barreau. Je répète Iblis en séduction et au très haut il le fourneau. Horrible c'est tomber ses barrettes, faut que t'arrêtes. Les doigts crasseux en mode boulette, les joues creusées en mode squelette. En mode génie en herbe, il dit vouloir s'en sortir. Veut planer sur notre planète, crève et reste à rôtir. Oui rôtir, comment s'en sortir, vraiment se sentir. Brûlant le martyr, celui qui joue le gros, à l'aisance peut maigrir. Celui qui joue le chaud, à l'essence fait rôtir. Ne donnez plus aux gosses des tons, ne donnez plus aux pères des bons. N'enfermez plus nos mères des plombes. Éloignez les biseurs des blondes, éloignez les buveurs des brunes, éloignez les baiseurs des plaques. Tu sais, ce n'est pas le million qui fait l'homme, mais l'homme qui veut des millions, qui t'a tué des mômes. La thune, loin des juifs ou PD. Que la pute arrête de plaider, la juge de l'aider. Que les PD, condés, respectent leur sermon. N'oublie pas pourquoi on le paye, y'aura beaucoup moins de saignements. Levez un doigt, pissez au cul du démon. Dans le respect de la religion, la vie est beaucoup moins démente. Changez la clique, le flic, le black, les bracos, les briques. Cabrac, la brique qui tombe sur le pote à Sarko. Changez la trique, les kicks, le crack, la voiture trop chic. Le Starco, la team à Nico, la team Nico. Le quin qui crève la dalle, le nouage qui vide la maladie. La serbe qui se prostitue et qui a du mal à dire. La sape qu'on loue à 100 balles de pour un jeune garçon. Asiat qui coupe pendant que tonton swing dans les champs de coton. T'es faux comme cette fin de lettre qui lit pote à pute. Faut comme dire que tu ne fais pas de bip pour qu'on t'appelle ma puce. Faut qu'on se dise qu'elle finira par fondre la banquise. Une balle un peu bise avec Iblis pour banquière. Je gerbe l'humanité. Elle vit que pour le mal et n'a plus d'humilité. Elle ne vit plus d'amour, se reproduit par giclée. Pour voir leur gosse humilié par TF1 dans le JT. Laisse faire cette sale espèce. Certains abordent une religion pour obtenir quelques pièces. Certains donnent leur fesses, certains donnent leur mère. Ce qui est certain c'est qu'au final on leur donnera l'enfer. Frères qui se disent, trahissent pour un peu de bise. Pour un bisou s'enflamme et font un peu crise. Pour un bout de terrain, la vie d'innocence se brise sans gise. Et on demande à Moïse un peu de terre promise. Un bout de tissu sur le crâne, ça se méprise. Avoir un bout de tissu dans le cul attire la convoitise. Être barbu, paraît que ça terrorise. Mais être une Barbie, ça fait du bon bise. L'homme bat sa femme, l'autre baisse son gosse. Le gosse prend une arme, un orphelin précoce. La vie c'est un drame, la vie c'est atroce. Écoute Ross, nettoie ton âme avant ton procès. Humanité, faut changer tes défauts. Tes défunts, vois le topo, c'est le barbecue du chétan négro. La vie c'est trop beau, pourquoi canner comme un con à faire le show. Ouais. C'est R.O. SS sur l'instru de Braco. RCM Zo. C'est le barbecue du chétan négro. Le barbecue du chétan négro. Ok. Sans plus d'obscurité.